إذن عرفنا أن السحر على نوعين، ما هما؟ السحر عند المؤلف يعني أيوه التي لا يخرجه من الملة. نعم، سحر لا يخرجه من الملة، هو ما هو؟ الذي يستخدم الشياطين. هذا يخرج من الملة ولا ما يخرجه؟ يخرجه الذي يعني يسحر الناس باستخدام الشياطين، فهذا كفر أكبر مخرجا من الملة. فالذي يقع في هذا الذنب العظيم خرج عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام. والسحر الذي باستخدام العقاقير والأدوية وما أشبه ذلك، فهذا لا يخرج صاحبه من الإسلام على الصحيح. نعم، وإن كان مرتكبا لذنب عظيم. نعم، طيب، مسألة، هل للسحر حقيقة؟ هل للسحر حقيقة؟ Est-ce que le sihr il est réel؟ Est-ce que la sorcellerie est réelle؟ ذكرنا هذه المسألة لأن اختلف بعض الفرق، فبعض الفرق يزعمون أن السحر لا حقيقة له ولا وجود له، فهذا الرأي كفر. Le fait de dire que le sihr n'existe pas, il n'a aucune existence, فهذا c'est du كفر. لماذا هذا هو كفر؟ أي لأنه تكذيب لكلام الله عز وجل. يعلمون الناس السحر، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة السحر، وكذلك في قصص موسى. طيب، الآن عندنا سؤال، السحر الذي أتى به سحرة فرعون هل هو من النوع المخرج من الملة أو من النوع الذي لا يخرج فاعله من الملة؟ تخيل، خول إليهم أنه تسعى، يعني c'est une illusion optique qu'ils ont fait. C'est pas le sihr avec l'istikhdam al-shayatin. نعم. ومع ذلك كانوا كفارا، لأنهم كانوا يعتقدون في فرعون ما لا يصلح أن يعتقد فيه، أن يعتقد فيه. نعم. قال الإمام ابن هبيرة عليه رحمة الله: وأجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة قال لا حقيقة له. فأبو حنيفة شاذ في هذه المسألة، فهو الوحيد الذي قال أن السحر لا حقيقة له، بل السحر له حقيقة، السحر له حقيقة. لا يقول أن يعني يقول السحر ليس له حقيقة. Il n'y a pas de, il n'existe pas le sihr. Il n'a pas de, il n'est pas réel. Pour lui, c'est qu'une illusion, tout est illusion. Tout est illusion. Là, il n'a pas d'existence. Ou... ils l'ont rendu mécréant. Là, il y en a. من موانع التكفير ماذا؟ التأويل. التأويل، فلعل تأول بعض الشيء نعم أو لعل كما لما نقول السحر له حقيقة السحر il est réel est-ce que il est possible au sahir parce qu'on dit qu'il est réel est-ce qu'il est possible que le sahir il rende par exemple Mohammed il fasse passer Mohammed dans le corps de Uthman ou Uthman dans le corps de Mohammed يقلب بينها يقدر ما سمعنا هذا بتاتا نعم ما يقدر هذا هل يستطيع يغير موسى الى شجرة من الاشجار est-ce qu'il peut prendre un être humain comme Moussa et faire de lui un arbre ما يستطيع لكن قلتم يا اهل السنة ان السحر له حقيقة C'est les effets qui sont... Mais vous avez dit qu'il est réel, le sihr. Non. Donc comme celui qui ressent une chose, qui a mal quelque part. Eh, comme a dit Othman, en fait, il a un effet. C'est son effet qu'on dit qu'il est réel. Naam. Wama sahir la qudrata lah fi taqlib al-a'yan. Mais le sahir, il n'a aucune force, aucune capacité de changer une chose en une autre. نعم. حتى وين استخدم الشياطين. فهذا الشيء فقط لابد أن كل مؤمن يتذكر مثل هذا. إذا لقي ساحرا من السواحر أن لا يخاف منه. إذ لا يقدر على أكثر مما فعل. نعم. Donc ça c'est des choses que la personne elle doit se rappeler. Surtout lorsqu'il doit rencontrer un sahir pour lui expliquer la preuve ou le combattre. فلا يخاف منه. Il ne doit pas avoir peur du sahir. Parce que le sahir كما تقدم لا يتجاوز الى حد ان يقلب الاعيان. Il peut pas aller plus loin que le fait de que il peut pas atteindre le stade de changer les personnes. نعم ça il peut pas le faire وإنما سحره محدود على ما حده الله عز وجل mais son sihr sa sorcellerie elle est limitée à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a limité نعم وإلا فالقادر على كل شيء من الله عز وجل نعم ولا يضار به من احد الا باذن الله فهذا الانسان لابد ان يعتقد هذا اعتقادا جازما ولا يخاف من هؤلاء الشياطين فاذا خاف منهم ضعف واستولى عليهم وتسلط عليهم si la personne elle fait preuve de peur des chiatins ou quoi alors les chiatins ils vont avoir le dessus sur lui وسيتعبون وإلا هم يعني أرذل وأنجس وأخاف من القطط ربما ils ont peur des مسلمين des موحدين المؤمنين أشد من خوف القط للكلاب ils ont peur des مؤمنين plus que le chat a peur des chiens نعم أليس الشيطان إذا سمع الأذان يفر بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إن الشيطان إذا سلكت مسلكا لا يسلك مثلكك أو ابن الخطاب يعني عمر بن الخطاب سي يبخان شما الشيطان يبخان بل ميم شما كعمر بن الخطاب لماذا؟ لأنه كان من الذاكرين الله عز وجل وكلما قوي ذكر الله عند العبد كلما ضعف تسلط الشياطين عليه وكلما قل ذكر الله كلما قوي تسلط الشياطين على العبد من الذين يقرؤون القرآن دائما هو هذا ذكر هذا ذكر نعم أفضل من الذاكرين يعني الذكر الذكر كما ذكر ابن القيم فمن باب الإطلاق فأحسن الذكر ما هو كلام الله d'une manière globale la meilleure des évocations d'Allah عز وجل c'est sa parole le Coran طيب لكن قد يكون الفاضل أو يعني قد يكون المفضول في بعض الأوقات أحسن من الفاضل Et il se peut que yani, la chose qui a le plus de mérite, elle soit de temps en temps, ou à certaines périodes, moins applicable, elle doit être moins applicable qu'une chose qui a moins de mérite. مثلاً, الأذكار صباحاً ومساء. أذكار الصباح في وقته أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت. مفهوم؟ مع أن قراءة القرآن من حيث الجملة أعظم من جميع الأذكار لكن في هذا الوقت الأفضل أنك تقرأ الأذكار نعم أكيد أن الخوف ينقسم إلى أقسام خوف طبيعي وخوف ماذا؟ شركي Il y a une peur qui est naturelle et une peur qui fait partie du shirk. La peur naturelle, c'est celle qui, par exemple, ils vont te surprendre comme ça. Ils vont faire bouger un truc, kada. Tu vas avoir une peur dans le hal. Mais il y a une peur qui est en train de se battre. Oui. Combien de fois quand tu as-tu fait non. Il se peut que si tu ne dors pas sans avec ta afkar, ils viennent et te font du tort dans ton sommeil. Ou un tatahus. Mathalan, tanam, ou hada yatik, ou yakbidak. Ou un tatatatatatatatatatatat taharak. Ou un tatara, nafsat. Tu vois que tu ouvres les yeux. Et que tu vois autour de toi, mais tu sens que tu es bloqué. Ma tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat مرة قد جربت ما كنت أستطيع أتكلم بشيء وذا وأقول في نفسي يعني وأهل بيتي على جنبي les gens de ma maison ils sont juste à côté de moi j'arrive même pas à parler ou à dire quelque chose عرفت فقلت في نفس الوقت سأقرأ عليك البقرة يا كلب ولا كذا في نفسي عرفت وأسب وأقول سأقرأ عليك البقرة سترى ولا ولا ولا والله لما شددت على نفسي أنني سأقرأ البقرة وكذا فك مباشرة فنعم الشياطين يخافون من الذاكرين الله عز وجل فعليكم بالذكر الكثير ولا تنسوا الأذكار كلما نسي العبد الأذكار كلما يحصل له من المضرة أو تحصل له من المضرة نعم طيب نعود قال وقال بعض العلماء جمهور أهل السنة والجماعة على أن له حقيقة بمعنى له تأثير حقيقي. ceci يعني a pour sens que quand on dit que يعني là il est réel c'est comme a dit notre frère Othman c'est-à-dire il a un effet réel le sihr بحيث يد نعم بحيث يجعل الرجل يظن أنه يفعل الشيء ولا يفعله أو يضيق عليه صدره أو يؤثر عليه في بدنه ونشاطه فهذه الأمور ملاحظة ومشاهدة donc le sihr il a bel et bien des effets parmi ces effets le fait que il fait croire à la personne qu'elle a fait une chose alors qu'elle l'a pas fait وكذلك ça peut aussi lui provoquer de la gêne dans son cœur. يعني يجد في نفسه ضيق. نعم. وكذلك ça peut affecter son la motivation de la personne. D'un seul coup, tu le vois, il n'a plus envie de sortir chez lui, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Il est ta'ban, da'if. Na'am. Kullu hala bi athar as-sihr. Donc, toutes ces traces-là, tous ces effets, elles sont visibles. La raison de tout ça, non ? Na'am, qui perd la raison aussi, na'am. Kullu hala mulahab. أن الرجل وكذلك أن الرجل يتغير حاله وهذا هو معنى قولهم حقيقة. Donc ça c'est le sens lorsque Ahl Sunna ils disent que le sihr il a bel et bien une réalité, c'est ce sens là qu'ils visent, c'est-à-dire que les effets du sihr ils sont bel et bien réels. وليس المراد أن السحر يقلب الحقائق من شيء إلى شيء آخر. Et ce n'est pas le but visé de la parole d'Ahl Sunna, comme quoi le sihr peut changer une chose en une autre. هذا مستحيل ما يقدر عليه إلا الله عز وجل نعم كان يقلب الشجرة إلى إنسان حقيقة comme le fait qu'il change un arbre en homme. Ça c'est pas possible, ça il peut pas faire ça. نعم طيب حتى إنه طيب وأما حديث حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله هذا فيه دلالة على قول الجمهور أو جمهور أهل السنة فإن التخيل هذا معناه أنه تغير في حال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه حقيقة أو على أنه حقيقة أو حقيقة أثر على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عمل السحر نعم وكذلك مما نستفاد من هذه الفقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر le prophète عليه الصلاة والسلام il a été ensorcelé. Alors comment on regroupe entre la parole qu'on vient de dire qu'on a dit celui qui évoque le plus Allah عز وجل les shayatins ils sont loin de lui. Et le prophète عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس ذكرا لله عز وجل على الإطلاق. ما هناك نبي ولا رسول قد ذكر الله عز وجل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل منه. Alors comment on regroupe entre la parole qu'on a dit et ce fait là, le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام il a bel et bien été ensorcelé. Bah déjà il y a des épreuves. Et aussi, c'était pour nous montrer que tout le monde peut être touché, comment se protéger, se préserver et se soigner. Na'am. Na'am. Ahsant. Wa a'zamu ma stafadna min qissati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu nazala bidhalika al-sabab nazala ou nazalat suratan ithnatan wa ma huma ya Uthman al-Falaq سورة الناس وسورة الفلق نعم et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé le prophète عليه الصلاة والسلام afin de montrer que personne n'est à l'abri du sihr أولا et deuxièmement et c'est ça la plus grande des causes du fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ou la plus grande des sagesses dans le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait été ensorcelé c'est qu'il y a deux sourates qui ont été révélées et le prophète عليه الصلاة والسلام il dit que la personne ne s'est jamais protégée du mal des êtres humains, du mal de sa propre personne, du mal de l'extérieur, avec meilleur que ces deux sourates. فينبغي للإنسان أن يعتني بذكر وقراءة هاتين السورتين ليلا ومساء يعني ليلا ونهارا وفي جميع الأوقات. نعم عليه أن يقرأ أن يقرأها نعم طيب وكذلك قول الله تعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى donc là on voit que le sihr de sorcier de Pharaon c'était du تخيل l'illusion. Non. Et tout ça prouve bien que le sihr a bel et bien une réalité dans ses effets. Non. طيب نكمل بمسألتين اثنتين. هل يقتل الساحر؟ Est-ce qu'on doit tuer le ساحر؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. أما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل قتل ردة قتل ردة. Donc si son sihr fait partie du sihr qui fait sortir la personne de l'islam, alors lui il sera tué pour avoir apostasie. إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. Sauf si il fait توبة. Ce sahir. Sauf si il fait توبة avant que l'épée lui tombe dessus. Donc s'il fait توبة, on accepte son repentir. Selon l'avis le plus juste. لأن فيه خلاف. هل للساحر توبة؟ بعضهم قالوا توبته عند الله. بعد القتل توبته عند الله بعد القتل إن كان فعلا تاب فيقتل لأننا ما نأمن على فتنته قد يكذب ويسبب لك أضعف من الشرور parce qu'ils disent qu'on peut pas avoir confiance en sa véracité. Il se peut qu'il te mente et après il part et il fait encore deux ou trois fois plus de mal qu'avant que tu l'attrapes. Mais ça, c'est un effort de compréhension de leur part. C'est un effort de compréhension de leur part. Surtout, c'est... يعني, ماذا? Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم من هذه الآية أن جميع الذنوب إذا تبعت بتوبة صادقة قبلت. نعم. Donc ce verset montre que tous les péchés, du moment qu'ils sont suivis d'un repentir sincère, alors ce repentir il est accepté. نعم. فبعد ذلك لابد من قبول توبته. طيب وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل السائل. وهذا يرجع إلى في قتله إلى اجتهاد الإمام. Et si son sihr, il est pas, il n'a pas atteint le degré du kofr, alors là, il peut être tué d'une manière, c'est-à-dire à limiter la transgression des transgresseurs. C'est un exemple, quoi. Un exemple. Ou si son façad, il a atteint tout le pays. Il peut être tué pour, en guise d'exemple, comme a dit Rasmus. Et ça va revenir à l'effort du gouverneur. C'est le gouverneur qui va choisir. Soit il le met en prison, soit il le met à mort, ou soit il ordonne de le frapper ou de l'exiler. Tout ça va revenir à l'effort de l'imam. وإلا فالأصل لا يقتل. انظر هذه المسائل في قول المفيد للشيخ العثيمين. Donc, ça c'est un point que Cheikh Al-Uthaymeen il a évoqué dans son charh de Kitab Tawhid. وقال بعض العلماء وأما إذا كان سحره بغير كفر فيعذر فيعذره الحاكم بما يدعو أو بما يناسب. بما يناسب ضرره بالسجن أو الضرب أو ويجوز القتل أيضا. Donc si son sihr n'a pas atteint le degré du kufr, le gouverneur il peut le châtier ou il peut le condamner de ce qu'il convient en fonction du tort qu'il a commis. نعم. والساحر الذي سحره كفر لا يعذر بجهله إذ يستخدم إذ... أيوة هذه مسألة كذلك. طيب الساحر le sorcier, est-ce qu'on peut dire qu'il est excusable? Celui qui utilise les chayatines, est-ce que lui on dit on نقيم عليه الحجة? Non. Hein? نقيم عليه الحجة? Il a pas d'excuse. ما نقيم عليه الحجة? Non. Hein? ما نقيم عليه الحجة? إيه فكيف نعمل به? بالقرائن. فهناك بعض السحر بعض السحرة ولدوا على السحر من ولادته ما يعلم شيئا اسمه الإسلام ولا سنة ولا الإحسان ولا شيء. إذا عرفنا ذلك فهذا يقيم عليه الحجة جاهل. لكن هذا نأخذ بالقرائن. إذا نرى أنه يمكنه العلم بأن هذا حرام فلا لا نقيم عليه الحجة ونكفره مباشرة. والعلماء يقولون الذي celui qui peut débarrasser la communauté d'un sorcier sans que cela ne lui revienne en ça ne lui fasse de tort qu'il le fasse. نعم. فالساحر le sorcier, le sahih, c'est que si toutefois sa sorcellerie a atteint le niveau de la mécréance, alors il risque d'être mis à mort. نعم. طيب مسألة هل يستتاب الساحر? Est-ce que le sahir, on doit lui... Par exemple, toi tu as entendu que Fulan, Zayd, c'est un sahir. Est-ce que on doit lui demander de faire tauba ou il doit être mis à mort directement? Sofiane? Mada tara? Allah alam? Belani? Hein? Mohamed? Est-ce que le sorcier, il doit être mis à mort directement? C'est-à-dire, on doit même pas lui dire... Fais tauba. Fais tauba de ce que tu as fait. Tu lui. Yani, en gros, tu le tues. Thumma ba'den amru indallah. Son affaire, elle est chez Allah Azzurra. Je ne sais plus si c'était un hadith ou quoi qu'on avait vu dans le livre pour les femmes avec Omar et Aïcha. Naam. Omar, Amara bi qatl al-sawahir. Omar, il a ordonné que chaque sorcier qui est trouvé, il soit tué, mis à mort. Hafsa, elle a été ensorcellée par sa servante. Elle a demandé à ce qu'elle soit tuée. Jundub ibn Abdillah, il était dans un genre de spectacle. Et il a vu quelqu'un qui a commencé à faire de la sorcellerie. Il s'est transformé en vache ou il a fait voir aux gens qu'il s'est transformé en vache. Le sahabi, il est venu avec son épée, il a coupé la vache en deux. Yani, il a tué le sorcier. Naam, il l'a coupé en deux. Les œuvres des compagnons montrent que le sahir, on lui demande pas de faire taouba. Il doit être abattu moubacharat. نعم هم يدخلون في ذلك لكن هناك il y a deux sortes d'illusion. Celle qui est faite avec des feintes ou avec de la tricherie ou avec des médicaments ou avec des plantes. Ça, comme on a dit, ça atteint pas le niveau de la mécréance. Mais il y a une autre type d'illusion, c'est celle où ils utilisent des diables. Celui qui marche sur l'eau, celui qui vole en l'air, celui qui il fait disparaître par exemple le World Trade Center ou là, des trucs comme ça. Hada ma yakun illa bi istikhdam ash-shayatin. Wa istikhdam ash-shayatin, les shayatins, tu peux pas les employer comme ça si ce n'est que après qu'il t'ait demandé de faire du shirk. Et en général, ils demandent de faire les pires des choses. C'est-à-dire de prendre le Coran, mathalan, et de verser du sang des menstrues dessus. Ou de jeter le Coran dans les poubelles. Ou de reprendre le Coran, c'est-à-dire les versets du Coran, à l'envers. Et ensuite, tu verses un peu de sang. Le sang d'une poule, le sang de quoi qu'est-ce. Ou ma'al asaf al-shadid, kam min al-nas, ala hadha al-mustawa, fi hadha al-mantiqa. Combien de personnes ils utilisent la sorcellerie dans cette ville? كنا مع احد الاخوه وهو يشتغل في احد البقالات يعني الاتصاليه وهو يخبرني ان الناس يستلمون اوراق بالفاكس اوراق فيها سحر والله ويقول لي بالكثره يقول لي هكذا اخيك كي travaille dans un taxifon il me disait que beaucoup de gens dans ce quartier, ils œuvrent avec le sihr. Et ils ont des mu'amalat, et ils apprennent le sihr ou ils l'enseignent. Et il me dit qu'il y a des moments donnés, je reçois des fax. Une personne, elle vient, elle me dit, oui, prends-moi, donne-moi mes feuilles. Moi, je n'ai même pas le temps de regarder. Quand je regarde, je vois du Coran mélangé avec des écritures, des chiffres. Une fois, il a fait ça, le frère, dit Allah au khairat. Il a rattrapé la feuille avant de lui donner à la personne. Il a dit, mais je ne peux pas me donner ça. Il a commencé à digérer. Celui qui demandait à récupérer la feuille, il s'est énervé. Il a dit, ça ne te regarde pas, c'est à moi, je te paye pour ton argent, je te paye pour ces feuilles-là. Il dit, voilà, même tu me donnes 1000 euros ou là, je ne vais pas te les donner ces feuilles-là. Khassis. Lakin, ça montre que beaucoup de gens. يستخدمون السحر ويكفرون بالله عند ذلك ولكن الإنسان كما تقدم لا يجعل نفسه ضعيف لا personne elle doit pas faire de sa propre personne une personne faible même si il a un rapport avec le shayatin il est en affaire avec يعني c'est-à-dire il a un contact soit une personne de sa famille est touché ou soit lui-même il est touché, il se doit de lutter et de combattre. Et la bonne fin, elle est pour les muttaqin. Comment on doit réagir quand on voit quelqu'un qui distribue des prospectus de marabouts dans les boîtes à lettres? Parce que là, des fois, ils sont durs avec eux, ils les chassent, tout ça. Non. Et est-ce qu'on doit être... Kullun bihasabah. Ba'dhum yahtajuna ila shiddah. لأنهم متمردون مرده يعني ما إذا ترحمه فيلعب بك وبعضهم ما زالوا في فيهم فهم donc ça va dépendre de chaque ça va être du cas par cas parce qu'il y en a ils ont besoin de shidda il y en a ils ont besoin que tu sois dur parce qu'ils sont malades eux ils voient que par le sihr et يا إخوة علينا أن ندعو على الساحرة. Il ne faut pas qu'on oublie que vraiment, les sorciers, ils ont fait du tort à cette communauté. Il y a un tort, ajib. C'est pourquoi il ne faut pas les oublier dans le dua. Sallallahu yaqsim dhahrahum. Qu'Allah, il leur casse le dos à n'importe quel de ces sorciers. Et le sorcier, c'est-à-dire si tu lui montres un da'af, il peut s'en prendre à toi. Ou les gens qui appellent à ça. Il faut toujours être qawi al-nafs. وقوي يعني الحسن الظن نعم وكما قلت لك كل شيء بحسبه سواء دوكا باركا نعم اخيرا دماج مبتلى الشياطين مبتلى يعني ce que j'ai entendu en France là moi j'ai jamais entendu مثله مبتلى الشياطين يحرقون بيته. S'il sort de sa maison, il sort de sa maison avec sa femme, les chiatines, ils brûlent sa maison. Deux ou trois fois, il a dû changer de maison à Dammaj. Le frère, il trouve pas de maison. Personne ne veut lui louer une maison parce que ils se disent, ouais, mais attends, ma maison, elle va partir en feu après. Non. Il ne pouvait pas aller à la mosquée. Il ne pouvait pas aller à la mosquée. يبقى في بيته ويبقى ويسأل الشيخ ويسأل الناس يأتون في بيته ويقرؤون أذى. نعم. ومع ذلك تجده قوي النفس. Malgré ses épreuves, tu vois qu'il est fort. Avec sa femme, il a une femme, des enfants. Imaginez-vous, une femme, des enfants, il est obligé de sortir dehors parce que sa maison a pris feu. Et bien, ça va, et sa femme, يعني على ثبت تعرف ان هذا من عند الله وان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلاهم بهذه البلاوة فان عنده الجزاء. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. Si Allah il aime une personne ou il aime un peuple, il l'éprouve. فمن رضي فله الرضا. Celui qui agrée l'épreuve, il aura l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ya ikhwa, ماذا سهل avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Toute ta vie, tu vis pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal en vérité. فبسبب بلاء من البلاوى من البلاوي تصبر فيها وترضى الله سبحانه وتعالى يكتب لك رضاه. Avec, par la cause d'une seule épreuve dans laquelle tu vas faire preuve de patience et d'agrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il t'écrit son agrément. Wa khalas, idha kataba laka Allah ridah fa sirta min an-najin. Tu seras parmi ceux qui seront sauvés du feu de l'enfer. Si Allah subhanahu wa ta'ala il fait de toi ou il t'écrit parmi ceux qui l'agréent. Naam. As-sabr, as-sabr. Et comment tu différencies si c'est une épreuve ou c'est comme si c'était une punition, tu vois? شوف ما من شخص إلا ويؤتى ببعض الذنوب ذلك بما كسبت أيديكم. الله سبحانه وتعالى dit ceci est à cause de ce que vos mains ont commis. Yani la bataille de Uhud, elle a été vue par les croyants comme une défaite. Tu vois, donc on va dire c'est une défaite, même si c'est pas une défaite en réalité, c'est pas une défaite, parce que les croyants ils ont toujours été moins nombreux que les kuffars. Ça veut dire que normalement les kuffars ils étaient obligés de, normalement en temps normal c'était la victoire mi-à-mi-à les kuffars, mais au contraire ça s'est pas passé comme ça. Ben, le prophète sallam il les a suivis. Il les a suivis jusqu'à les kofars, ils n'ont pas voulu retourner en arrière. Donc c'était une sorte de victoire aussi pour les musulmans. Lakin, comme il y a eu beaucoup de pertes du côté des croyants, et il y a eu à un moment donné des gens qui ont fui, les croyants ils ont vu ça comme une défaite. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est à cause de vos péchés. Naam. Il n'y a pas une épreuve qui touche la personne sans que ce soit pour une partie de ses péchés. Et ceci pour leur... Mais ça va lui effacer ses arta, ses péchés. Et ça va l'élever auprès de son Seigneur, s'il est patient. يعني l'imam al-Sa'di ذكر كلام يعني نفيسا في قوله في تفسير قوله وبشر الصابرين. Et fais la bonne annonce à ceux qui patientent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et fais la bonne annonce à ceux qui patientent. Et l'imam Sa'di dit, on comprend par une compréhension opposée, fais la mauvaise annonce à qui? À ceux qui ne patientent pas. Non, fais la mauvaise annonce à ceux qui ne patientent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ces versets dans le Qur'an al-Karim, le livre qui se lit le plus au monde. Et le livre qui se lit le plus tôt au monde. Il n'y a pas un livre qui se lit plus tôt que le livre d'Allah Azza wa Jal. Hatta l'awlad al-sighar yaqra'un al-fatiha wa ma ya'rif al-kitaba. Ils lisent la fatiha et ils ne savent pas c'est quoi la fatiha. Mais dans ce livre-là qui se lit le plus tôt au monde, Allah il annonce déjà à la personne qu'elle va être éprouvée. Et ça c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal. En fait Allah subhanahu wa ta'ala il veut te préparer à ce qui va venir. Et la personne, bilachak, que quand elle est prête à une chose, lorsque cette chose elle survient, il sait quoi faire. C'est pas un étonnement pour eux, c'est pas une chose qui va le surprendre. Ça va? فنكتفي بهذا في هذا الدرس وإن شاء الله قد يكمل يعني أكملنا الناقد السابع on a terminé le septième la septième abrogation il ne reste plus que la huitième ainsi que la neuvième et la dixième نعم donc si j'ai bien compris pour eux on demande le travail de débarrasse mais on ne demande pas la dixième test compter